Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Coluche, le parfait exemple du clown triste. J'étais fleuriste, j'étais télégraphiste, j'étais marchand de légumes, j'ai travaillé chez un céramiste. Parce que comme on ne peut pas vraiment apprendre à être doué pour faire ce métier-là, quoi, hein, on est obligé d'essayer ailleurs vachement avant. Avant de devenir l'un des artistes les plus populaires de France au 20e siècle, Coluche a d'abord fait mille et un métiers, comme il le raconte lui-même dans l'extrait qu'on vient d'entendre. La France d'en bas, Coluche la connaît par cœur et toute sa vie. C'est ce personnage du français ordinaire qu'il va incarner sur scène. Et malgré son immense popularité et tout l'amour que va lui donner le public français au fil des ans, Coluche va rester toute sa vie le parfait exemple du clown triste. Qu'est-ce qu'il foutait là? Eh bien, Coluche est mort. Coluche, le comédien fantaisiste français de son prénom Michel Colucci, s'est tué quand sa moto a heurté un camion près de Grasse sur la Côte d'Azur. Coluche, c'est l'histoire d'un individu grossier, vulgaire et agressif, mais qui savait aussi être généreux, tendre et drôle. Il puisait son inspiration dans les rues du 14e arrondissement de Paris, où il était né et dont il conservait toujours l'accent populaire et gouailleur. Parce que moi, ce que je fais, c'est uniquement pour semer la merde et pour compter combien on est à vouloir être du côté des rieurs plutôt que des emmerdeurs. Il était actuellement au sommet de sa gloire. Il animait une émission de blagues salace à la radio et il avait lancé l'hiver dernier sa chaîne de restaurants du cœur qui avait distribué gratuitement pendant 3 mois 150 000 repas par jour au laissé-pour-compte de la société française. Saltimbanque de la révolte, Coluche incarne le public ras-le-bol et râleur de la bagnole et de la canette de bière. Il se voulait le porte-parole de tous les ans de la planète. Il faut d'une manière comme d'une autre que ça cesse. Normand Lester, à Paris. J'espère au moins que la roue t'a acheté un vélo. Lolita, plus de parrain. Sur la chanson de Renaud, Putain de camion, dédiée à son ami Coluche, vous entendiez un extrait du reportage de Normand Lester diffusé au Téléjournal de Radio-Canada le 19 juin 1986, jour de la mort de Coluche, pour nous parler du parcours et de l'importance qu'il a eu, Coluche, dans cette France des années 1970-1980. Je reçois l'historien et ami de l'émission Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. Coluche, ça a été vraiment une immense vedette dans cette France des années 70-80. Sur quoi reposait son succès, Éric Dussault? Qu'est-ce qui fait que les Français l'ont tant aimé? Bien, en fait, je lisais une entrevue accordée il y a une dizaine d'années par son gérant de l'époque, et c'est toujours vrai encore aujourd'hui, c'est qu'on se reconnaissait en lui. La majorité des Français qui l'aimaient s'identifiaient à lui. Ouais. C'était un double, c'était quelqu'un qui représentait les sans-voix. Et bon, il s'est intéressé aux homosexuels, aux lesbiennes, aux immigrés, comme on dit en France. Donc, c'était leur porte-parole. Un des leurs. Ouais. Alors ça, ça explique en partie son succès. Ensuite de ça, c'est quelqu'un qui, on va en parler plus tard, j'imagine, mais il y aura une partie trouble dans sa vie. Mais sinon, le reste, c'est que des succès à la radio, sur disque, au cinéma, à la télévision. Il a même un record de vitesse de moto. Donc, c'est quelqu'un qui est abonné au record. Son nom est dans le livre des records Guinness. C'est un homme plus grand que nature qui vit à 100 000 à l'heure. Moi qui aime Boris Vian, ça me rappelle Boris Vian. On brûle la chandelle par les deux bouts. Et voilà, c'est un mode de vie. Ouais. Et un homme qui revient de loin, si je puis dire, quand on parle du milieu duquel il est originaire, c'est un milieu pauvre, très pauvre, dont on parle. Il aimait d'ailleurs dire lui-même qu'il était un ancien pauvre. Parlez-nous de ça, de ses origines, du milieu dans lequel il grandit. Je vais adopter une perspective critique à l'égard de ça, parce qu'en fait, c'est un peu un mythe qu'il a créé lui-même. Oui, il vient d'un milieu assez pauvre. C'est vrai que sa mère était malade. C'est vrai qu'elle a souffert beaucoup du travail qu'elle devait entreprendre pour faire vivre sa famille. Parce qu'il est orphelin de Voilà, père parce que son père, à 31 ans, meurt, et puis à 3 ans, donc Coluche se retrouve sans père. Et c'est un sujet tabou, semble-t-il, tout le long de sa vie. Alors ça, ça l'a affecté, et c'est vrai que la situation était assez précaire. On pourrait dire absolument pas d'aisance, mais quand même pas non plus de l'indigence. Ouais. Donc c'est difficile d'évaluer la pauvreté, mais on peut parler d'un Coluche qui n'est pas aussi mal pris qu'il semble le dire. Et il aura cette ambition qui sera un moteur pour lui de se sortir de ce milieu-là, de gravir les échelons. Ça va vraiment être très, très fort chez lui, ce qui fait qu'il vient de ce milieu modeste, mais il a un rapport plutôt ambigu avec ce milieu duquel il est originaire. De quelle manière? Bien, d'ailleurs, c'est à l'origine de, je pense, beaucoup de conflits avec ses admirateurs, parce que parfois, ça pouvait être assez violent comme interaction. Là, il n'aimait pas toujours se faire reconnaître, lui adresse la parole en lieu public. Pourquoi? Parce que il n'est pas solidaire de ces gens-là. Il en est un, mais il n'est pas solidaire. Oui. Il ne les apprécie pas parce qu'il les trouve minables, médiocres, lorsqu'ils restent dans le milieu dans lequel ils sont nés, qui ne sont pas capables de s'élever au-dessus de leur classe, en quelque sorte, qui se plaignent tout le temps, mais qui n'agissent pas. Alors, il est très critique à l'égard de ça. On va même dire qu'il tape directement, il cogne sur son ancien milieu. Mais en même temps, toute sa vie, il les a représentés par son personnage, mais aussi par son engagement, notamment avec les Restos du cœur. Donc, il y a vraiment un réel paradoxe là et peut-être une incompréhension entre ses plus grands fans et lui. Oui. En tout cas, une intolérance à tout ce qui touche à ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la victime. Ça, il est allergique à ça, incapable. Tout à fait. Il dit qu'on peut gauler le système. Hein? C'est une des choses qu'il aime répéter. Et en gaulant le système, ben, on peut réussir à changer les choses et lui, à se créer soi-même. Oui. Voilà. Mais en même temps, ses origines le rattrapent. On le voit à gauche, à droite. Ça le rattrape parce que, entre autres, il y a des exemples. C'est un homme de culture, mais de culture populaire. Il sera toujours inconfortable, Éric Dussault, avec la grande culture, la culture livresque, tout ce qui représente l'autorité, les institutions. Il a du mal avec ça. Il aime rappeler qu'il était un cancre à l'école, qu'il aimait se foutre de la gueule de son instituteur ou de ses instituteurs. Qu'il est anarchiste, rebelle, anti-clergé, anti-militaire, anti-tout. Mais en même temps, il est autodidacte. Il apprend beaucoup par lui-même. Et en ce sens, on ne peut absolument pas dire qu'il est contre la culture. Oui. Mais il n'aimait pas être associé à ça. En tout cas, pas la culture telle qu'on l'aperçoit là, dans le milieu intellectuel français. Cela dit, lorsqu'il rencontrait M. Mitterrand, ça lui est arrivé à quelques reprises dans sa vie, il était, ce qui était rare dans sa vie, très modeste et plutôt mal à l'aise. Donc, c'est la preuve qu'il tient ça, hein, il tire ça avec lui un peu comme un boulet. Cela dit, il a réussi quand même à inventer un genre. Oui. Et ça, ben, c'est quand même pas rien. Allez, non! Je sais pas ce qui m'est arrivé dans le métro. Non. J'étais à côté d'un type, là. Alors, je tenais là-bas. Une poussette, hein. Alors, moi, j'ai rien. Ouais. Puis, je leur pousse. Ah ouais. Normal, hein. C'est Coluche qui voulait absolument qu'on construise un théâtre. Il était barman chez la mère Autrel dans un café-théâtre. C'était dans la foulée des événements de 68, vous voyez. Et on continuait. On n'avait pas d'ambition d'être avant-gardiste, on avait l'ambition d'être différent, parce que jusque-là, d'un art qui ne nous disait plus rien. Quoi. Il fallait trouver fabriquer un endroit où le mode d'expression serait complètement différent. T'as vu Coluche, hein? Il y a un gars dans le métro, il donne un coup comme ça. Ah, Coluche, il le prend, il donne des grands coups sur la figure. Il s'assied comme un grenier, tu sais, il s'est énervé. Romain Bouteille à la télé française en 1999. C'est avec Romain Bouteille que Coluche va créer le Café de la Gare au début des années 70. Et c'est là qu'il va inventer, pour reprendre vos mots, Éric Dussault, inventer un genre, ce genre dont vous parlez il y a un instant. Quelle importance ça a, cette époque? C'est un sketch du Café de la Gare qu'on vient d'entendre également dans cet extrait. Quelle importance a le Café de la Gare dans la carrière de Coluche? C'est fondamental parce qu'en fait, avant ça, il était chanteur aux terrasses des bistrots de Saint-Germain-des-Prés. Il a fait de la plonge dans certains cabarets. C'est comme ça qu'il a eu des petites accointances dans le milieu. Mais sinon, c'est vraiment au Café de la Gare ou entre copains, parce que dans le fond, c'est une bande de copains qui sont plus ou moins artistes ou en tout cas qui souhaitent le devenir, qui souhaitent être connus aussi et qui vont monter un projet. D'ailleurs, les créateurs eux-mêmes le disaient, on n'avait pas autant de talent que de succès qu'on a eu parce que c'était plein. Ouais. C'était une salle d'à peu près 250 places dans sa première version. l'immigration, parce qu'au départ, c'est proche de la gare Montparnasse, c'est tout près, dans le 14e arrondissement, mais après, en 1972, ça va déménager au 41 rue du Temple, dans le 4e arrondissement. Alors, Depardieu, Miu Miu, Renaud, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Balasco, autant de noms qui sont passés là, qui à l'époque ne sont pas connus, mais qui vont interagir les uns les autres. Et ça, c'est fondamental dans l'histoire de Coluche, c'est qu'ils vont créer en groupe des choses que Coluche, par la suite, va s'approprier dans le cadre de ses sketchs. C'est ce qui va lui valoir un peu l'étiquette de pilleur, de copieur, de voleur, parce qu'il s'inspire ouvertement de ce qui s'est passé dans ces années-là. Puis ça va se finir un petit peu en queue de poisson pour lui, cette aventure-là. Oui, il y a des querelles, il part, il revient, et puis finalement, il se lance solo par la suite. Ah non, parce que... Non, parce que, par exemple, il y a deux genres d'histoires aussi. Parce qu'il y a les histoires, par exemple, c'est plus rigolo quand c'est un juif. Si on n'est pas juif, hein. Ah ben oui, il faut un minimum. Et puis, par exemple, t'as des histoires, c'est plus rigolo quand c'est un Belge. Si on est Suisse. Et puis, le contraire, si c'est un Suisse, quand on est Belge. Et parce que les Belges et les Suisses, c'est deux seuls qui se rendent pas compte qu'en fait, c'est pareil. Non. Mettons, par exemple, on rencontre un vrai con en Suisse. C'est un Belge. Mais dans l'ensemble, ça valait pas le coup de faire deux pays rien que pour ça, hein. Ils auraient pu se démerder, hein. Enfin, moi, je dis ça, je m'en fous, hein. Je suis ni belge, ni suisse, ni juif. Je suis normal. Coluche débute sa carrière solo au début des années 70. Et ce spectacle dont on vient d'entendre un extrait, Mes adieux au musical, vraiment, ça va être, il va être présenté à l'Olympia à partir de 1974, Éric Dussault. Et ça va être un grand, grand succès. C'est à ce moment-là qu'il devient, Coluche, vraiment une vedette. Et à partir de ce moment-là, tout déboule pour lui. Oui, et c'est instantané. Ouais. Coluche, c'est un phénomène qui explose tout d'un coup. C'est le succès immédiat. C'est l'anti-vedette avec sa salopette, avec son côté rondouillet, c'est le moins qu'on puisse dire. Il peut parfois donner l'allure d'être un peu con, un peu niais. Et pourtant, on voit comment les phrases tapent. C'est ça aussi, c'est la façon de dire les choses. C'est cru, c'est direct. Et puis, donc, c'est 200 000 copies de Mes adieux en version disque. Ensuite de ça, 300 000 copies de ce qu'on appelle les Schmilblick. Alors là, 300 000 copies, c'est un record à l'époque sur disque. Donc vous voyez, on n'aime pas seulement Coluche sur scène, mais on aime aussi se procurer son album. Et il fait la une quand même en 1975 du journal Le Point, 5 pages consacrées à Coluche. Et avec le Schmilblick, eh bien, il devient vraiment respecté aussi de la presse. Donc c'est quelqu'un qui a la faveur du public et des médias à l'époque. Dans l'extrait qu'on entendait, on le voit bien, c'est quelqu'un qui soigne son écriture. Il écrit ses textes. On l'entend, cette écriture-là, en même temps, sur scène. Bon, il y a ce personnage que vous avez déjà commencé à esquisser, mais c'est un homme de scène extraordinaire. Parlez-nous de ça, du personnage, de ce que c'était Coluche sur scène. En fait, je vais le citer, il dit « J'ai pris le parti de rire de ce qui n'est pas drôle. Je ne prends rien au sérieux. » Donc ça, c'est déjà une philosophie. Ça veut dire qu'il peut parler de tout. C'est ça qui le caractérise. Coluche est associé à quelqu'un qui ne connaît pas la censure. D'ailleurs, quand il va faire de la radio, il va être souvent mis à la porte, justement parce qu'il n'a pas l'habitude de se contrôler. C'est quelqu'un qui traite de thèmes qui ne sont pas à la mode, là. Le racisme, l'homophobie, les injustices, la précarité, le chômage. Personne ne parle de ça. Donc, c'est lui qui va mettre ça à l'avant-plan. Et c'est ça, c'est cru, c'est direct. On l'accuse parfois d'être grossier. On entendait Normand Lester plus tôt. Mais en fait, c'est parce qu'on est on n'a pas l'habitude d'entendre les choses dites sur ce ton-là, de cette façon-là. Et pourtant, il le dit, c'est basé sur la vérité, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on entend, et il tourne ça en dérision. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment il fait rire les gens qui eux-mêmes traitent les gens de cette façon-là, qui ont des propos de ce type-là. Donc, il y a un côté, me semble-t-il, assez ironique dans sa façon d'être sur scène. Ouais. Et ça le mène, ce qu'il fait sur scène, ce regard grinçant, à un succès qu'on évoquait au début de l'émission. À la fin des années 70, au début des années 80, une immense vedette. Il croule sous l'argent, sous la célébrité, mène le grand train de vie, dépense sans compter et entretient une espèce de cour, Éric Dussault, qui est faite de toutes sortes de monde, des pique-assiettes, entre autres. Et au fond, ça, on revient au clown triste. Déjà, on est là-dedans. Là. À quoi ça ressemble, cette cour et cette vie qu'il a? Les dimanches, c'est réservé à ses vrais amis, les plus proches, notamment ceux du Café de la Gare, avec lesquels il reprend contact, qui entrent et qui sortent de sa vie et des autres projets qui ont suivi lorsqu'il a fait des projets en dehors de sa carrière solo. Mais le reste du temps, c'est à peu près tout un chacun. Il est d'une générosité incroyable. C'est connu. Chez lui, rue Gazan, dans le 14e arrondissement, décidément, c'est, tout se passe là. Il fait des fêtes, il organise des dîners, il cuisine lui-même souvent. Et ce sont des amis, des amis, des amis. Alors, il semble que les plus proches ont commencé à délaisser rue Gazan parce que, justement, ils trouvaient qu'ils, leur compte, ils ne trouvaient pas là, finalement. Ouais. Alors, c'est des gens qui sont de plus en plus extérieurs à Coluche qui vont profiter de lui. Par contre, les vrais amis, ceux qui sont là depuis toujours, parce que Coluche est incapable d'être seul, il a besoin de ses copains, il va leur acheter des voitures, il va leur acheter des montres. C'est quelqu'un vraiment étonnant. De ce côté-là, c'est incroyable. Et même... le personnage qui est le plus connu, le rondouillet à salopette, c'est Bouboule, c'est son ami de jeunesse. Ouais. Il envoie des mandats à la mère de Bouboule lorsqu'il devient célèbre. Et pendant un certain temps, je ne sais pas exactement combien de temps, elle reçoit de l'argent et ça, c'est même pas identifié que ça devient de Coluche. Donc, on voit que c'est une personne réellement généreuse, vraiment. 1981, formidable coup de théâtre, Coluche décide de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Les grandes lignes du programme, en gros, c'est ça. Il faut récupérer Monaco, d'abord. Et Andorre. La Corse, au contraire, elle n'a pas de frontières, il faut la rendre. La Corse, il faut la rendre. Je ne comprends pas le général de Gaulle qui voulait donner le Québec aux Québécois et qui conserve la Corse, alors que c'est très simple, il n'y a rien à couper pour qu'il s'en aille. Est-ce que vous allez réussir à rester jusqu'au premier tour? Bien sûr. Un candidat nul, c'est-à-dire ne rien dire du tout, ne rien proposer et surtout rester comique. Est-ce que c'est possible? Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour rester comique, il y a énormément de concurrence. Comme je vous le disais, il y a Michel Debré, il y a Giscard d'Estaing, il y a Chirac, il y a François Mitterrand qui est très gentil. Encore quelques mois et vous irez jusqu'où? Je ne sais pas. Vous savez, je n'attends rien. Et surtout, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais rien à la politique et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le pied de nez, n'est-ce pas? C'est le geste obscène, n'est-ce pas? Coluche au micro du journaliste Louis-Bernard Robitaille en février 1981. Et juste avant, vous entendiez un extrait de la conférence de presse au cours de laquelle Coluche annonce justement qu'il se porte candidat à la présidentielle française de 1981. Comment diable décide-t-il de s'embarquer dans cette galère? On va revenir un petit peu plus tôt que ça. En 1979-1980, il est au théâtre du Gymnase et il est là pendant 18 mois. Et depuis 1977, en fait, jusqu'à 1980, il y a 600 000 spectateurs qui l'ont applaudi. Et qu'est-ce qu'ils applaudissent dans les années 79-80? C'est un Coluche qui fait de l'humour politique. À ce moment-là, il donne son opinion sur la vie politique française. Et donc, ce n'est pas étonnant que des copains à lui, de gauche, l'incite à se lancer. Ouais. C'est un gros canular au départ. Et il se lance. Avec, comme principal intérêt, ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Et l'imbécile, c'est lui, évidemment. Sauf que le problème, c'est qu'il y a jusqu'à 16 % des gens qui sont prêts à voter pour lui. Alors là, l'establishment politique français s'inquiète. Il y a même des théories du complot qui existent pour dire que une des raisons pour lesquelles ça a foiré, c'est parce que, justement, le milieu politique a craint et il y a eu un réel désir de s'attaquer à lui, entre autres de le censurer, pour éviter qu'il ait du succès, puisqu'il y a 300 comités de soutien en France où on entend Coluche président. Ouais. Imaginez le choc que ça représente là, pour Mitterrand et les autres hommes politiques de l'époque. Alors, ce gros canular-là... ça prend de l'ampleur. Ouais. Et il va finir par retirer sa révérence, appuyer François Mitterrand à cette élection présidentielle de 81. La suite, c'est un petit peu la descente aux enfers. Il va se perdre. C'est le début de la fin, un petit peu, cet épisode-là. Ce sera la Guadeloupe, consommation de drogue, dépression, problème avec le fisc. Ce qui nous amène aux années 80 et au Coluche du cinéma. Cette période, cette descente aux enfers, c'est peut-être ce qui va le préparer à ce formidable rôle qu'il va tenir dans Ciao Pantin. Ce sera son grand succès au cinéma. Un petit mot sur Coluche au cinéma, Éric Dussault. Coluche au cinéma, c'est d'abord pour payer des dettes. Donc, il accepte à peu près tout et n'importe quoi. Mais heureusement pour lui, il y a Claude Berry qui croit en lui et qui va lui donner un rôle extraordinaire dans Ciao Pantin. Ça lui vaut le César du meilleur acteur masculin en 1984. C'est quand même extraordinaire, alors que ouais. ce n'est pas un rôle humoristique, c'est vraiment Coluche dans un rôle dramatique. Et ça fait de lui encore une vedette encore plus grande, puisque le cinéma, ben, c'est extraordinaire pour devenir célèbre. Et il en a fait, quoi, probablement une dizaine de films, milieu des années 70. Avec un million d'entrées à Paris, simplement, dans certains cas. Là. Donc, ouais. vous voyez, c'est important en termes de succès. On ne peut pas parler de Coluche sans, évidemment, évoquer cette création, cette idée qu'il a, à un moment donné, des Restos du cœur. On l'écoute en parler à Robert Guisculli, à l'émission Impact, en mars 1986. Coluche, nous ouais. sommes ici d'assister à l'ouverture d'un nouveau restaurant du cœur. Ouais. Il y en a plusieurs en France maintenant, mais les Canadiens ne savent peut-être pas ce que sont les restaurants du cœur. Pourriez-vous nous en parler? Alors, en France, il y a 500 ou 600 000 personnes qui n'ont pas à manger. Et comme justement la France est connue pour sa cuisine, c'est embêtant. Ouais, finalement, ça ne nous convient pas. Alors, je me suis trouvé dans une situation avec une émission de radio qui m'a permis de faire ça. Et j'ai lancé l'idée. Et j'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait calculer par les élèves des écoles de commerce quels étaient les excédents de production, les quantités qui existent, le nombre de gens qu'il y a à nourrir, le coût de l'ensemble. Et puis après, on s'est aperçu qu'on pouvait raisonnablement envisager. Racontez-nous en quelques mots cette formidable aventure qui continue des Restos du cœur et du son. Ça existe encore aujourd'hui, un de ses legs les plus importants. 1985, on a l'idée, mais entre l'idée et sa réalisation, c'est quand même pas rien. Ça prend donc une organisation. Ça veut dire qu'il y a 200 Restos du cœur qui ouvrent à ce moment-là. C'est dans l'hiver 1985-86. Ce ne sont pas moins de 70 000 personnes qui sont mises à contribution. Coluche lui-même coordonne tout ça. Et en plus, il y a 8,5 millions de repas qui sont donner aux gens, avec 5 millions d'euros récoltés en parallèle. Et on va chercher des politiciens, Coluche, qui leur tape dessus avec son humour, va chercher des politiciens, les engage à donner des sous, et ça marche. Et ses confrères, évidemment, ces disques, on entendait la chanson de Jean-Jacques Goldman, il y aura des concerts bénéfices chaque année pour venir en aide au Resto du cœur. Et puis cette fin bête, le 19 juin 86, cet accident de moto face à ce putain de camion pour boucler la boucle et revenir à cette chanson de Renaud. Ça a été un bonheur d'évoquer en quelques minutes ce grand Coluche avec vous, Éric Dussault, historien, ami de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.